plage sur Radar Conciel, 17h07. C'est vrai que c'est pas la plage. C'est plus la plage même. C'est la pluie, malheureusement. On vous en parle dans quelques minutes. Et encore demain. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et on est là jusqu'à 19h. La météo pour demain, pas la terrible. Météo. Eh ouais, malheureusement, les nuages sont encore là demain matin. La pluie aussi, donc demain, kawé pour tout le monde, hein, parapluie également. L'après-midi, bah, le ciel est très nuageux encore avec quelques courtes éclaircies. Averses faibles et de plus en plus rares. Les températures au lever du jour, bah, ça appelle un peu déjà. Hein, ça y est, on va rentrer dans l'automne, bientôt l'hiver aussi. 8 degrés, on va pas dépasser les 13 degrés. Donc demain, préparez le petit parapluie, vous savez, pour les mecs, le petit parapluie de poche. Ça, c'est super, super pratique. Moi, je vous le dis, hein, le jour, j'ai galéré, j'avais pas de parapluie. Eh ben, la galère, franchement. 17h08, le numéro de l'antenne 02 38 43 48 00. Si vous avez un message à faire passer, vous êtes peut-être dans les bouchons là. Eh bien, lâchez-vous. 02 38 43 48 00. Voici Econ. Sean Aï, non boy. Allez, à tout. El negrito. Mr. Worldwide. El blanquito amandito con el negrito. El con. History in the making. Mafio. Dale. El negrito. El negrito. Oh. Dale. En mi cama yo me vuelvo loco. Si tú me faltas, no te. Quítate la ropa que aquí no se duerme. Quiero besarte y hacerte el amor como te gusta a ti. Si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí en mi casa. Mi punto. Hey Kong, el negrito y el blanquito o el mandito, ya tú sabes, estamos listos. Esta vida de dinero y fama, lo que creas, envidioso, garrapata, drama y todos ellos son malistas. Eso es porque cuando te digo que te quiero, la verdad. Hey angelito, yo no tengo nada, la verdad. Yo doy mi vida por la tuya, mami, la verdad. No, pues son sexy, on it. That's right. El Negrito. Hey Con, Tequilo avec Amar et Pitbull. Un peu de soleil, ça fait du bien. C'est vrai que ça va raviver votre fin d'après-midi. Et du son toujours caliente. Dame Ambassetto, c'est sur votre radio couleur. Sur Radio Arc-en-Ciel, bon, si j'ai bien compris, un bisou, hein. Demain, on besito, on vous donne plein de bisous, et ouais, sous la pluie, malheureusement, prudent sur la route, hein, surtout sur la tange, en direct à la radio, c'est Francky. L'After Job, avec Francky, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et puis, dis mon plan avec la ville de Fleury-les-Aubrais, la piscine des Jacobins qui organise sa deuxième session de l'animation Halloween à la piscine, tous déguisés, non, en maillot de bain, bien sûr, le vendredi 30 octobre, c'est de 14h à 16h, au programme, parcours flottant, structure gonflable pour les enfants et DJ, voilà, les enfants de moins 8 ans devront être accompagnés d'un adulte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Fleury-les-Aubrais, voilà, un bon plan piscine Halloween, histoire de bien faire peur, oui. After Job, avec Francky, l'après-midi. Avec Francky, l'après-midi, et puis des titres qu'on adore à la radio, avec Kachou et l'artiste, sur Radio Arc-en-Ciel, où vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bah oui, bah c'est déjà la fin d'après-midi, 17h16, Kachou, Kachou. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Sur ton chemin, tu les ignores, attends-toi, t'es sans gêne. Sans sommation, t'envoies dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant, je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama, des chaos. T'as les cartes à Kamenokao. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Et de Panama à Bécao, allez kata kamen au cao. Doucement, doucement, juste au cao. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit, ça se voit. Got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Radio Arc-en-Ciel avec Kachou, je sais toujours pas ce que ça veut dire d'ailleurs. L'artiste sur la radio couleur, 17h19 minutes. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis certains vont faire la tête hein, parce que Ronaldo va déclarer forfait mercredi contre la Suède. Et oui, un testé positif Cristiano Ronaldo et forfait donc pour le match contre la Suède ce mercredi. Le joueur de la Juventus va devoir quitter le rassemblement avec le Portugal avant même d'affronter cette belle équipe de la Suède ce mercredi. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Sophia qui arrive et puis Nicky Yam sur la radio couleur en direct avec du soleil. Tal vez no te vuelva a ver, yo sé, y nunca más pueda tenerte. Yo buscaré entre la gente a ver si encuentro a alguien más. Quitará. Aún siento tu olor que se quedó aquí en mi habitación. Y viendo tu foto acepto el adiós. Otro camino tomaré. Para perder, yo te di lo que tú no pudiste ver y ahora no es el... estés llamando para volver. Si te vas y regresas, ya no estaré. ¿De qué vale entregarse para perder? Yo te di lo que tú no pudiste ver. Y ahora no estés llamando para volver. Cuando quieras volver, no creo que estaré esperándote. Seguro si te vuelvo a ver, seré yo el que se va. Y cuando quieras volver, no creo que estaré esperándote. Allez, Conciel, salut à tous. Si vous venez d'arriver dans la radio couleur, peut-être dans les bouchons, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Hein. Courage sous la météo qui est pas terrible. Hein. Salut Alexandra qui est du côté de Saint-Jean-de-Bresse. Salut Francky, toujours une belle voix. Merci, ça fait plaisir. Billy Paul qui arrive. Eh, forcément, ça va rappeler de très bons moments. Hein. Il écoutait les disques de sa mère dans les années 39, parce qu'il est dans 34 quand même. Les 78 tours maintenant, c'est devenu une vedette. Il est décédé malheureusement en 2016 avec ce titre, reprise d'Elton John et You Song sur Radio Arc-en-Ciel. How wonderful life is when you're in the world. How wonderful it is when you're in the world. There's something quite, quite to come while I wrote this. Avec Billy Paul, You Song sur Radar Arc-en-Ciel, 17h28. Là, forcément, ça vous rappelle de très très bons moments. Mais ouais, vous êtes dans la voiture, peut-être dans les bouchons encore. Eh bien, on vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et puis là, il y a une transition qui est terrible quand même. Hein. Billy Paul, You Song, et puis celle qui marche plutôt pas mal quand même, c'est Aya Nakamura avec Jolie Nana sur Radar Arc-en-Ciel. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. T'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. Qui va se négliger, aimer, je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, vite, vite. Même toi, j'aurai tout à payer. Je dis oui, oui, jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, les people. Par mail. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vite, vite, même toi j'aurai tout zappé. Je dis oui, oui, jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombée la première. Bien Kouma, mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts. L'homme. Mais à qui tu vas la faire? Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire? Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental, à qui tu vas la faire? À qui tu vas la faire? Jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Moi, j'ai le truc, je sens les people. Les people, oh yeah. Je suis tombée la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. Je suis tombée la première, merde, merde. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Yeah, I know, when I come. c'est en direct avec du son qui fait du bien sur les oreilles. Vous qui êtes dans les bouchons du côté d'Orléans, et bien justement, on parle de bouchons, il y en a eu un gros ce matin. On va accueillir Mathieu Lebrun au téléphone. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et il se bat pour la nuit, on est du côté de Saint-Lô, de Milton, il est patron de boîte de nuit et il est énervé comme beaucoup de patrons de boîte de nuit en ce moment, depuis 7 mois même, on va pas dire en ce moment. Bonjour Mathieu Lebrun. Bonjour. Comment tu vas bien aujourd'hui? Si on peut parler de bien. J'avouerai qu'aujourd'hui je suis un peu fatigué parce que depuis 3h30 sur le pont et une opération escargot, pourtant on est assis dans la voiture mais c'est un peu de stress. Il y a beaucoup avec les forces de l'ordre et tout ça, on doit parlementer, arrondir les angles. Et donc effectivement c'est pas mal de stress et c'est vrai. Et d'angoisse quoi. Alors ça s'est passé, on peut expliquer aux auditeurs d'Orléans, là on est dans le 45, on est du côté de Saint-Lô, c'est ça Mathieu? Ouais, là je suis rentré à Saint-Lô, j'étais à Rennes tout à l'heure. Alors comment ça s'est passé cette opération? Les gens ont agi comment? Ils étaient énervés, ils étaient contents, à mon avis ça s'est passé. Pour le collectif, on est plutôt contents parce qu'en fait c'est une opération qu'on a montée nationale très rapidement. C'est-à-dire qu'on avait des opérations à Rennes, Bordeaux, Marseille et Lyon. Sur Marseille, Lyon et Rennes, ça a été très très très fort. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des points de 30 à 70 km de bouchons sur les périphériques des villes. Donc, mission réussie. Mmh. Effectivement, on est désolé pour tous ces gens qu'on prend en otage pendant un temps. Malheureusement, ça fait 7 mois que nous sommes fermés. Plus de 4 mois qu'on nous promet des aides et à l'heure actuelle, pour l'instant, la plupart d'entre nous n'ont rien touché. Zéro euro. Donc, on vit sur nos trésoreries et même moins que nos trésoreries. Et beaucoup d'entre nous sont ça dépose les bilans, c'est catastrophique. C'était en sauvegarde. Ouais. Et donc effectivement, on en arrive à des situations où jamais de ma vie j'aurais pensé aller manifester, aller essayer ce qu'on a fait en juin juillet d'attraper nos dirigeants politiques comme Édouard Philippe qu'on a fait au Havre ou Olivier Véran. On a vu. De faire des manifestations dans Paris. Bref, on arrive à faire des actes complètement incroyables pour des patrons. D'habitude, c'est rare qu'on voit des patrons manifester. Mais là, c'est-à-dire que j'ai du mal à croire qu'en 2020, on laisse tomber tout un pan d'entreprise sous prétexte qu'il y a le Covid. C'est vrai. Voilà, j'y suis. Ok, l'État n'y est pour rien, mais moi non plus. On n'a rien demandé. Faut être honnête. Hein. Et même mieux, il y en a qui avaient de la trésorerie, qui avaient tout, qui étaient bien, et puis ils se sont retrouvés avec un PGE ils étaient un peu obligés aussi de le faire pour survivre. J'ai un pote qui a une discothèque du côté du Loiret, Orléans aussi. Pareil, il a un PGE, il avait pas de prêt, il avait rien, et il se retrouve avec un prêt maintenant. Ouais. Ah mais de toute manière, l'État, le premier truc, et ça marche pour toutes les entreprises. Ils nous disent que il y a eu, on est sur du 70 ou 80% d'entreprises qui ont pris le PGE, tout confondu. Donc, ça veut dire qu'on fait de la dette avec de la dette, parce que ça, il faudra le rembourser d'une manière ou d'une autre. C'est ça, ouais. Voilà, c'est juste impensable. Et puis, de l'autre côté, on vous explique, c'est super, il y a le chômage partiel. Alors, effectivement, heureusement qu'il y a le chômage partiel. Heureusement, mais ça n'arrange qui que l'État, parce que tout le monde serait licencié, probablement. Donc, on aurait... Pôle emploi serait plein craqué. Ouais. Ah oui, là, il y aurait du monde, ça, c'est sûr. Et par contre, on oublie, alors, c'est ce qu'est notre cas actuellement, c'est que tous nos emplois à plein temps, évidemment, cumulent des congés payés. Et actuellement, les congés payés ne sont pas couverts par le chômage partiel. Donc, il faudra les payer à un moment ou à un autre. On ne pense pas aussi aux mutuelles. Ça a l'air de rien, mais tout cumulé depuis 7 mois, ça fait beaucoup d'argent. Et puis, surtout, là, les fameuses aides qu'on va peut-être avoir si la Lune et le Soleil sont alignées, ne couvrent seulement pour aider l'entreprise. Ça fait 7 mois que les gérants de sociétés, de discothèques, n'ont plus de rémunération. Et il faut dire une chose aussi, les entreprises, tu parles, les petites discothèques, ça va à peu près aller pour aller avec les aides, mais les gros clubs comme toi, par exemple, je parle la plage notamment, ou d'autres clubs du côté de Bordeaux aussi, il y en a beaucoup qui vont galérer là. C'est ça, de toute façon, il n'y a plus de secret, parce maintenant, on en arrivait à parler de nos chiffres et compagnie sur les réseaux sociaux ou dans la presse. La plage à Bordeaux, c'est 50 000 euros de loyer, le loyer pour les murs mensuel. Et la boîte, tout arrêtée, parce que c'est 80 salariés, la plage, parce que c'est énorme. Avec de 7 000 places, c'est un gros bébé. La plage, tout arrêtée actuellement, c'est 130 000 euros par mois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que s'il lui donne 15 000, c'est comme nous quand même, donne 1 500. Il n'y aura plus rien, quoi. Il y a Stéphane. Gentil, hein. Pour l'opération Escargot, il y a un auditeur qui nous dit, Moi, je soutiens les clubs et ça me dérange pas cette opération parce que c'est vrai que les discothèques n'ont jamais manifesté, c'est vrai, hein, depuis années, jamais de manif. Ils nous ont jamais emmerdés, donc moi, ça me dérange pas d'être dans l'opération Escargot à Orléans qui va arriver bientôt. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, on espère. Ouais, ça serait bien. Ouais, non, mais bon, après, on a quand même un très gros soutien. Je le répète, des fois, il y a des patrons de boîte de nuit qui m'entendent. Et souvent, on a une appréhension avec les renseignements territoriaux qui nous donnent un sacré coup de main. Ils sont super, ouais. Ouais, parce qu'ils ont un retour de tout ce qui se passe actuellement en France tous les lundis quand ils arrivent à leur bureau et ils voient bien que depuis que les discothèques sont fermées, on a quand même un gros problème d'insécurité le soir. Et là où nous, les boîtes de nuit et nos équipes de sécurité font le boulot pour gérer ça, et généralement la police et la gendarmerie n'est pas appelée parce que nous, on le gère nous-mêmes. Là, ils se retrouvent avec un surplus de boulot. Et c'est pour ça que d'ailleurs la police et la gendarmerie, et je vois aujourd'hui la police sur Rennes, a été mais vraiment coopératif avec nous, à nous donner un coup de main. Et j'ai envie de dire, quand on a lancé l'opération Escargot sur 4 points du périph' de Rennes, c'est quasiment eux qui ont lancé le truc et qui nous ont donné un coup de main à lancer le blocage du périph'. Après, ils nous ont laissé gérer tout seuls comme des grands garçons. Mais voilà, ils nous ont dit, bah oui, les gars, ils comprennent. Ils disent, c'est quand même la situation est juste incroyable. Et là, le retour à chaud, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont pas contentes. Moi, j'ai eu un message, moi, je cautionne pas, ça peut créer des accidents, ça peut créer des énervements. Ça, c'est vrai, alors, c'est comme toute manif alors, d'ailleurs. Et ben c'est bien pour ça qu'on n'a pas fait ça n'importe comment. C'est-à-dire qu'on est passé par les renseignements territoriaux, la police et la DDE étaient au courant. Il y avait des messages de prévention via les panneaux lumineux ou même des panneaux métalliques expliquant qu'il y avait une opération Escargot sur le périphérique. Ils nous ont encadré, fait ralentir les gens sur les bretelles d'accès pour éviter qu'il y ait des collisions. Tout a été mis en œuvre. Ça se passe bien. Alors effectivement, je comprends les gens qui disent on sait nous bloquer. Mais est-ce que c'est ces mêmes personnes qui gueulent quand la SNCF, excusez-moi du terme, quand la SNCF bloque, alors c'est pas les clients, les usagers, on appelle ça. On voit une multitude. Je vais pas parler des gilets jaunes qui ont quand même bloqué plusieurs week-ends tout le monde et pris à partie tout le monde dans cette affaire, en bien ou en mal, on en pense ce qu'on en veut. Mais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les boîtes de nuit, c'est la première fois qu'on nous voit manifester. C'est très rare de voir d'un des patrons manifester. Exact. Et de deux, les discothèques. On se fait souvent taper dessus, accusé de tous les maux. Et on dit rien, on courbe les chines et puis on fait notre boulot, tant bien que mal. Mais là, à un moment, trop c'est trop. Voilà. Et ces personnes qui ne sont pas contentes à dire oui, vous bloquez les gens, j'ai envie juste de leur dire gentiment, posez-vous deux secondes et imaginez-vous que pendant 7 mois, votre patron vous paye peu. Voilà, c'est ça. Je pense qu'à un moment, il serait comme tout le monde et n'importe quel acte, il serait capable de le faire pour se faire entendre vis-à-vis du gouvernement. Ouais, il y a Mathieu, un autre Mathieu qui nous dit, moi aussi j'ai envie d'aller danser ce soir. Bah oui, mon gars. Viens. Si on pouvait le faire, je ferais avec plaisir. C'est clair. En tout cas, Mathieu Lebrun, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Radio Arc-en-Ciel Orléans en direct aujourd'hui. Ça arrive, la manif apparemment, c'est le 28 octobre. C'est ce que j'ai lu. C'est la demande qui a été faite sur la préfecture du Loiret. Voilà. C'est ça. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à toi. Bonne soirée. Salut. Mathieu Lebrun qui est en direct avec nous sur l'Arc-en-Ciel. Et ouais, les discothèques toujours fermées depuis 7 mois. On le remercie du fond du cœur. il est collector, hein. Ça fait 15 ans. Le tube, toujours encore, hein. Bientôt, peut-être le retour en club. Ça ferait plaisir de le revoir sur scène. Lucenzo avec un nouveau titre qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis, le meilleur des souvenirs, les années fin 90. On adore aussi 1996. Avec ce mec est à moi, Brandy Monica, The Boy Is Mine. C'est sur Radio Arc-en-Ciel, 17h47 minutes. Courage à vous. Si vous sortez du boulot, on est là pour vous accompagner jusqu'à la porte du pavillon. Ouais, jusqu'à chez vous. Tranquille, en direct. Voici Brandy et Monica. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody name? You know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's mine. No, he's mine. Ce mec est à moi. Ouais, vous avez pas le choix les filles, hein. 17h50, on est en direct avec Mathieu Lebrun qu'on a eu au téléphone, hein, qui se bat encore pour les boîtes de nuit sur toute la planète. Et on est avec lui, on le soutient à mort et bientôt ce sera sur Orléans. On vous tient au courant. Et Florent Amigo qui nous a laissé un petit message. Quoi, tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est Florent Amigo. Eh ouais, salut mon poteau. Et puis bah dans deux mois, ça y est, c'est Noël bientôt. Bah ouais, il va falloir y penser, hein. Avec Last Christmas. On aura aussi Yolanda juste derrière. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Rodrigo Ace De todo corazón necesito feliz de vida. Olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Soy yo. el latino francés, desde París para el mundo, ondas positivas. Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu anhelada. Un día yo pensé que me hipnotizaste, yo fui solo un hombro donde lloraste. De ti me enamoré y fue pura pasión. Por ti tanto lloré hasta perecer a sol. Oh, hoy yo tengo un nuevo amor, lo ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otro. Oh, last Christmas te di mi amor. Superbe reprise de George Michael par Rodrigo Hayes, Last Christmas. George Michael qui nous a quitté, un jour de Noël, malheureusement. Ouais, une très grosse pensée encore pour ce super chanteur. La météo pour demain, on prend les mêmes et on recommence. La météo demain, malheureusement, le ciel sera chargé, nuageux et de la pluie demain matin au lever du jour. Donc le caouet est obligatoire demain et le parapluie aussi, les filles. Les bottes, pour ceux qui ont des bottes chez eux encore. Le ciel très nuageux, couvert et puis faible le matin. 8 degrés pour les températures, ouais, ça va pas se calmer l'après-midi. Encore des averses, ciel très très nuageux avec de courtes éclaircies. Et on ne dépassera pas les 13 degrés. Voilà, du son qui arrive, allez, un peu de soleil dans ce monde de brut. Avec Yolanda sur Radar Franciel. Quisiera volverla a ver, es que mi cuarto me desespero. Huele mi casa a la mujer que quiero. Tan bonita, señorita. Bientôt 18h sur Radio Arc-en-Ciel avec Yalende et Hermanos Valadez. Je sais pas si je le dis bien. Coucou à José qui nous écoute sur 96.2 FM du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Olivier. Ouais, je sais que le temps est pas terrible. Et puis une petite dédicace pour Nathalie du côté de Saran-Centre. Un son à l'ancienne. Et puis on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Gilles Caplon, tout ce qui nous sépare. On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se dit plus trop grand chose quand on se voit. Si brûle plus on adore, hein, franchement. Gilles Caplan, tout ce qui nous sépare en direct, les bons plans avec la passerelle. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Eh ouais, les bons plans de la passerelle à Fleury-les-Aubrais. C'est demain, le 14 octobre, mercredi, à 15h, et les enfants vont être ravis. Circo Pirulo, coup de cœur, Circo Pirulo, le plus petit cirque du monde, une belle folie. Approchez, venez voir le plus grand des cirques miniatures. Alors, c'est un cirque avec taille humaine, bien sûr, où les lions sont de petites féroces en peluche. Eh ouais, ça va être tout mignon pour les enfants. Donc, demain, c'est à la passerelle. Et ça démarre à 15h, un spectacle à ne pas rater, et aussi samedi, donc le 17 octobre à 15h, Circo Pirolo. Voilà, les enfants vont être ravis de voir des petites peluches, des lions, des girafes, des rhinocéros en peluche, ça va faire du bien. James Blunt qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel, et ça on adore, la radio couleur avec You're Beautiful sur Radio Arc-en-Ciel. À 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Viens, je t'emmène loin de tout ça, loin de tes problèmes où tu oublieras. Oh, combien même si l'on s'aime, on ira. Oh, viens, je t'emmène. Yeah. Loin de tous. Ah, j'adore. On vous emmène du côté du soleil parce que c'est pas terrible du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Grès-Olivet ou alors Saran. Et ouais, la pluie est là toujours. Hein. Courage à vous si vous rentrez du boulot. Ça y est, c'est bientôt fini. Dernière ligne droite. Et puis le meilleur des souvenirs en direct à la radio, 18h08 avec une fille que j'adore, la petite Jackson. Et ouais, whoops, non. Quel souvenir sur l'arc-en-ciel. On vous souhaite un bon début de soirée. Aujourd'hui, de 17h à 19h, sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que cerrado está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita la que canta la zona. Se mueve en su cabeza. Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos con la tapa y en chancheta. Que se te que algún día le muestres en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a ti que alguna le muestras en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. After Job, avec Franky, l'après-midi. Garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour. Ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir donner, donner sans reprendre. Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver. À l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. What would I do without just wonder? Drawing me in and you kicking me out. My head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride. And I'm so busy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head. Je parle avec le masque. Non, je rigole. Heureux d'être avec vous, un peu de kizomba, ouais. J'aimerais savoir danser la kiz. Apparemment, c'est pas mal, hein. Il faut avoir la musique, hein, dans la peau pour ça, hein. Heureux d'être là, c'est Francky jusqu'à 19h en direct. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, j'en fais un peu la voix d'Halloween là. Si vous n'avez pas quoi faire justement du côté d'Halloween, eh bien, un bon plan à la piscine des Jacobins à Fleury-les-Aubrais qui organise sa deuxième édition de l'animation Halloween à la piscine. Donc tous à la piscine. Non, faudra pas venir déguiser. Maillot de bain, hein, bien sûr, obligatoire avec le bonnet et tout. Hein, le vendredi 30 octobre de 14h à 16h. Au programme parcours flottant pour les enfants, strict gonflable aussi, ça va être sympa. Il y aura un petit DJ pour mettre un peu de musique, pour ambiancer. On pourra dans l'eau danser. Ouais, il y a plus de discothèque, donc maintenant on va à la piscine. Hein. Les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d'un adulte. Pour plus d'informations, direction le site de la ville de Fleury-les-Aubrais. Voilà, j'ai des bons plans à vous donner. Et puis un mec qu'on adore, ça c'était en 2012, ouais, au Brasilio. Bala bala, voici Alex Ferrari. Mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo bará, berê. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo bará, berê. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo bará, berê. Oh, gol! J'ai envie de le faire à la Brasil. Vous savez, les animateurs radio, quand il y a un but à la télé, là, c'est gol! Brasil! Alex Ferrari, bará, bará, bará. Et puis, je voulais avoir une petite pensée aussi pour Renaud qui est hospitalisé la semaine dernière. Renaud, un grand chanteur des années 80 qui reste toujours un grand chanteur du côté de Montpellier. Il est rentré à l'hôpital, voilà, des petits problèmes aux poumons. Et Claudio Capéo qui lui ont un petit clin d'œil. Voilà, voici Renaud par Claudio. Il a au moins 4 ans, il veut te piquer, t'appeler ton seau. Ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur conventionné. Qui est joué aussi, j'essaie de quoi je cause. Je connais bien des playboys, des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils font porter leur cartable. Heureusement, je suis là que je te regarde et que je t'aime. Je regarde-toi. Comme j'en ai marre de faire tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'écris ton nom avec des coups dorés, un par un planté dans le cuir, dans mon blouson, dans le dos. T'es la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans me démettre une épaule, sans plaisir sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moine qui mange pas, déploie jamais tes ailes. Lolita t'envole pas avec tes miches de rat, comme dirait des noisettes. Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand tu iras à l'école, si jamais tu vas. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux un petit frangin? Tu veux que je t'achète un ami Pierrot? Les bébés ça se trouve pas dans les magasins. Et je crois pas que ta mère voudra que tu lui fasses un petit. Bien ensemble, je crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux. T'entends pas ce bruit, c'est le monde qui tremble sous les cris des enfants qui sont malheureux. Allez, viens avec moi, je t'embarque dans ma galère. Dans mon arche, y'a de la place pour tous les marmots. Avant que ce monde devienne un grand cimetière. Profitez un peu du vent qu'on a dans le dos. Lola, j'ai qu'un fantôme quand tu vas au chevaux. Tu sais. Superbe reprise de Clou de Capéo. Un petit clin d'œil à Renaud qui a été hospitalisé, c'était vendredi du côté de Montpellier. Voilà, on pensait très très fort à lui. Un bon chanteur des années 80 qu'on adore. Et on espère qu'il revient en pleine forme. Hi baby, I love you. Kenza Farah, Pitbull, mon amour, I love you. I love you for you. I need you. Je revis, tu es ma terre, tu es mon... closely for the bread and butter. Yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat. That's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they want to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final four. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart for sure. Hi baby, I love you, I need you. Hi baby, mon cœur ne bat que pour toi. Hi baby, I love you, I need you. Hi baby, la vie ne vient qu'en chaque matin. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. Météo. Ailleurs, on sait la météo pour demain, le 14 octobre. Ça passe vite. Dans 15 jours, ça y est, c'est Halloween. On va pouvoir se déguiser, faire peur à tout le monde. On a déjà peur en ce moment avec le Covid, hein, donc soyez très prudents. Hein, n'oubliez pas le masque, le gel, les distanciations, tout ça, c'est super important. Côté météo pour demain matin, eh bien malheureusement, on prend les mêmes et on recommence. De la grisaille, de la pluie, des nuages le matin. L'après-midi, on va pas dépasser les 12-13 degrés. Le matin, 8 degrés. L'après-midi, encore des nuages, quelques averses, quelques petits rayons de sol. Rayons de soleil qui vont apparaître, mais très timides. Malheureusement, le vent sera là aussi. Donc demain, kawé, bottes et parapluie pour tout le monde. Demain matin, c'est super important. Puis du son qui arrive. Et ça, on aime bien, histoire de bouger un petit peu sur le dance floor. Peut-être bientôt, on espère, la réouverture des discothèques. Voici Black Hatter avec Tuesday sur Radio Arc-en-Ciel. Go night, go Tuesday. Got a girl in a bed, she's Tuesday. Got a girl in a bed, she's Tuesday. Go night, go Tuesday. Appelle le 02 38 43 48 00. L'After Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Essa cora, estou atrasado pra ganhar notas, tô desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora. Nunca é pecado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou-te dizer quem eu sou, musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser. Sem trabalho a demora, nunca é sacada, chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou, um gitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser. After Job avec Francky l'après-midi. Courage à vous si vous rentrez du boulot, bah ouais, comme Gaël qui rentre à Lori tranquillement après avoir passé une dure journée avec les enfants. C'est pas facile les enfants. Voici Kenji qui reprend Bella et on adore sur la radio couleur. Bella, ouh, Bella, ouh, Bella, ouh, Bella. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coup ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages, les gens me disaient mais tu dans cette ville là. Qui change plus qu'un délicat, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle est maintenant pas trop hypnotisée. On pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait, on cherchait et elle impressionnait. À devenir son préféré sans savoir qu'elle est maintenant pas trop. Répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages, les gens me disaient mais tu dans cette ville là. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages, les gens me disaient mais tu dans cette ville là. Oui c'est un phénomène qui est monté normal. Cette femme était nommée Bella la condorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousie, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Facile et difficile, synonyme de magnifique. Elle se fait que des disciples qui venaient vite indécis. Tant d'un comme des feuilles de caresser sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Pour moi que ça est moins que rien. Juste une pièce sans chemin. Elle répondait au nom de rien. Fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, hey, hey, rends-moi bête comme Yep, hey, hey, bête comme Yep, hey, hey, je suis l'homme de Dorian, hey, hey, l'homme de Dorian, hey, hey, fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, allez, fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, hey, hey, rends-moi bête comme Yep, hey, hey, bête comme Yep. L'ombre de ton Yinch. Alors Yinch, c'est chien à l'envers. Ouais, pour ceux qui n'ont pas compris encore. Kenji Girac qui reprend James avec Bella. Et je vous l'avais promis, de la douceur avant 19h. Une artiste qu'on adore. Voici Kelly Clarkson avec Because of You. When I let myself cause my heart so much misery, amoureux là de l'autre côté de la radio, ça y est, vous avez peut-être emballé avant de rentrer, ouais, c'est possible. On vous aime la famille avec Aya Nakamura qui arrive, Dja Dja, la version latina. Oh yeah, hola, hey, el mejor de la música. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar y tú ya quieres terminar. Tu croyais quoi? T'en serais plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, yeah, yeah. Tu solita te matas. Pensando que tengo gatas de más. Y que me la paso de fiesta. Oh, ya, ya. Y'a pas moyen, ya, ya. Je suis pas ta gata, ya. banda. Eso de pelear no me gusta nada. Si quieres, mándame location pa' la mierda. Y si me pierdo, pues la ruta toma la da. Si te quiero y es de cora, soy sincero y no lo ves. Canal que no se enamora. Y yo aquí perdí otra vez. Sin irte, yo ya te olvidé. Peleándome por TVT. Deja la película, bebé. Esa ya la vi por TNT. Patacata, ja, ja, ja. En casa, la baby, tu gâtes. Ça me fait rire parce que c'est les paroles d'Aya Nakamura. En fait, il faut manger du yaourt. Vous mangez du yaourt et vous chantez du Aya Nakamura. Heureusement que J Balvin est là pour mettre un peu plus haut la barre hein, au niveau chanson. Bah, je suis pas fan d'Aya Nakamura, mais j'aime bien J Balvin derrière. Jaja sur l'arc-en-ciel. Et puis bah, Lucenzo qui arrive, le nouveau Lucenzo. On l'a reçu à la radio il y a quelques années. Il a commencé bah, justement sur l'arc-en-ciel avec ses hits. Voici le nouveau hit. Il cartonne en ce moment. Lucenzo, non mi ama sur l'arc-en-ciel. La difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, que no hace nada. Mami, dime. Baby, tu cuerpo sea. Me mata. Sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero para mí. Y cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama. Perdóname, perdóname. Así que olvídame. Esos movimientos que me ponen loco. Cuando yo te toco, quiero comerte poco a poco. Contigo ya no me equivoco, ma. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Solo dime, mami, ¿cómo será? Dame un poquito de tu sabor. Que te necesito, quiero tu amor. Dejamos el drama, no aguanto la gana. Quédate conmigo, ven, por favor. Ella me hipnotiza con su caricia suave. Se hace la difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, que no hace nada. Mami, dime. Baby, tu que cuerpo sea. Me mata. Sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero para mí. Y cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama. Perdóname, perdóname. Así que olvídame. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Se apaga. Solo dime, mami, ¿cómo será? Mami, yo te quiero para mí. On adore Lucenzo. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah ouais, le lundi 16h30, 18h30, le mardi 17h, 19h avec plein d'infos, des people. Puis la semaine prochaine, plein d'invités, restez bien connectés, hein, surtout mardi, vous allez voir une grosse surprise pour vous. Et lundi, encore une grosse, grosse surprise autour de tous ces invités qui cartonnent en ce moment. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi plutôt. bientôt, début de soirée, bientôt 19h. Côté météo, demain, bah, préparer le parapluie. Malheureusement, le matin, la pluie est bien présente. On va pas dépasser les 8 degrés. L'après-midi aussi, avec quelques petits rayons de soleil, mais très très timides. Donc demain, le parapluie et le caouet sont de rigueur. Ne ratez pas RDP International qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis moi, je vous retrouve lundi, 16h30, 18h30. Ok, la famille? Et c'est parti, RDP International. Et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 16h30. On se connecte au Portugal. Passez une excellente soirée à tous, les amis. Et puis n'oubliez pas, lundi 16h30, mardi 17h. C'est Francky dans la radio, RDP International.